Le dimanche, le fils se promenait seul dans la banlieue brûlée de Marseille. Il se sentait du génie. Au fond de son être, il y avait comme une impulsion instinctive qu'il jetait en avant. Il rentrait manger quelques platées de pommes de terre avec son père infirme en se disant qu'un jour, il saurait bien se tailler sa part dans cette société où il n'était rien encore à 30 ans. Ce n'était point une envie basse, un appétit de jouissance vulgaire. C'était le sentiment très net d'une intelligence et d'une volonté qui, n'étant pas à leur place, entendaient monter tranquillement à cette place par un besoin naturel de logique. Dès qu'il toucha le pavé de Paris, Nantas crut qu'il lui suffirait d'allonger les mains pour trouver une situation digne de lui. Le jour même, il se mit en campagne. On lui avait donné des lettres de recommandation qu'il porta à leur adresse. En outre, il frappa chez quelques compatriotes, espérant leur appui. Mais, au bout d'un mois, il n'avait obtenu aucun résultat. « Le moment était mauvais, disait-on. Ailleurs, on lui faisait des promesses qu'on ne tenait point. » Cependant, sa petite bourse se vidait. Il lui restait une vingtaine de francs au plus. Et ce fut avec ces 20 francs qu'il dut vivre tout un mois encore, ne mangeant que du pain, battant Paris du matin au soir et revenant se coucher, sans lumière, brisé de fatigue, toujours les mains vides. Il ne se décourageait pas. Seulement, une sourde colère montait en lui. La destinée lui semblait-il logique et injuste. Un soir, Nantas rentra sans avoir mangé. La veille, il avait fini son dernier morceau de pain. Plus d'argent et pas un ami pour lui prêter 20 sous. La pluie était tombée toute la journée, une de ces pluies grises de Paris qui sont si froides. Un fleuve de boue coulait dans les rues. Nantas, trempé jusqu'aux os, était allé à Bercy, puis à Montmartre, où on lui avait indiqué des emplois. Mais à Bercy, la place était prise et il n'en avait pas trouvé son écriture assez belle à Montmartre. C'était ses deux dernières espérances. Il aurait accepté n'importe quoi, avec la certitude qu'il taillerait sa fortune dans la première situation venue.